Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumé du Pré 1860. Question 16. De la vérité. Ce qu'elle est, le vrai est l'être, le vrai est le bon. La vérité créée est la vérité incréée. La vérité créée n'est ni éternelle ni immuable. 1. La vérité est-elle dans les choses ou seulement dans l'entendement? La vérité est principalement dans l'entendement. Le vrai et le faux, dit Aristote, ne sont pas dans les choses, mais dans l'entendement. Ce n'est qu'en second lieu que l'idée du vrai s'applique aux choses elles-mêmes, que l'on rapporte à un entendement comme à leur principe. Les choses sont vraies par les rapports qu'elles ont avec l'entendement dont elles dépendent. C'est ainsi que les œuvres artificielles sont vraies par leur rapport avec l'entendement des artisans qui les produisent. Une maison est vraie quand elle est conforme à l'idée typique de l'architecte. Les choses naturelles sont vraies par leur ressemblance avec les exemplaires qui sont dans l'entendement divin. Un diamant est vrai quand il renferme la nature que Dieu a donnée à ce corps. Ainsi le vrai est principalement dans l'intelligence, et secondairement dans les choses. Partant de ce double point de vue, on a donné différentes sortes de définitions de la vérité, suivant qu'on l'a considérée dans l'entendement ou dans les choses. En voici une qui a l'avantage de convenir à la vérité sous l'un et l'autre rapport. La vérité est une équation entre les choses et l'entendement. Note. Il semble, dit Monsieur Joseph de Maistre, que la vérité se soit définie elle-même. Fin de la note. 2. La vérité n'est-elle que dans l'entendement procédant par voie de composition et de division? Nos sens ne perçoivent pas la conformité de l'intelligence avec les choses. L'œil, par exemple, perçoit l'image d'un objet visible. Mais le rapport qui existe entre l'objet et l'image qu'il en a, il ne le saisit pas. L'intelligence elle-même, si elle se bornait à percevoir la nature ou la simple idée des choses, ne connaîtrait pas sa conformité avec l'objet intelligible qui la frappe. Pour connaître et exprimer la vérité, elle doit percevoir et prononcer que la chose est semblable à l'idée qu'elle s'en fait. Or, c'est ce qu'on appelle procéder par voie de composition et de division, car, dans toute proposition, on unit ou on sépare deux idées, et c'est là ce que ne font ni les sens dans la perception des formes sensibles, ni l'entendement dans le simple concept de la nature des choses. La vérité peut donc être dans les sens et dans le concept comme dans toute chose vraie. Mais elle n'est, à proprement parler, que dans l'entendement qui compose et divise les idées, car la perfection de l'entendement, c'est la vérité connue par l'entendement même. 3. Le vrai et l'être sont identiques? L'être et le vrai sont identiques, mais le vrai implique un rapport avec l'entendement, ce que ne présente point l'idée d'être. Le vrai réside principalement dans l'entendement, l'être dans les choses, quant au bon, il éveille l'idée d'appétibilité. 4. Le vrai précède-t-il le bon dans nos idées? La connaissance précédant naturellement le désir, l'idée d'être se présente naturellement aussi la première, après elle vient l'idée du vrai, puis l'idée du bon. Idée de l'être, idée du vrai, idée du bon, tel est l'ordre logique de nos idées. 5. Dieu est-il la vérité même? La vérité, avons-nous dit, consiste dans la conformité de l'entendement avec les choses, et réciproquement. Or, Dieu réunit ce double genre de vérité, son être est conforme à son intelligence, et son intelligence est la cause et la mesure de tout être et de tout entendement. Donc il est la vérité première et suprême. De là cette parole du Sauveur, Je suis la voie, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Note. C'est une chose étonnante, dit Bossuet, que l'homme entende tant de vérités sans entendre en même temps que toute vérité vient de Dieu, qu'elle est en Dieu et qu'elle est Dieu même. Fin de la note. 6. N'y a-t-il qu'une seule vérité? Il n'y a, sous un rapport, qu'une seule vérité qui rend les choses vraies, sous un autre rapport, il y a plusieurs vérités. La vérité, avons-nous dit, est primairement dans l'intelligence, et secondairement dans les choses, en tant que celle-ci se rapporte à l'intelligence. Parlons-nous de la vérité comme existant dans une intelligence particulière, elle se multiplie par la multiplicité des intelligences créées et par le nombre des choses connues. On peut la comparer à la face de l'homme qui produit plusieurs images dans une glace. Parlons-nous de la vérité comme existant dans les choses par la conformité de celle-ci avec l'intelligence suprême. Il n'y en a qu'une seule qui donne naissance à toutes les autres et qui communique sa similitude aux êtres, en déterminant leur nature, c'est d'après elle que nous jugeons les choses, elle se reflète en nous comme dans un miroir par les premiers principes. Note. Notre raison naturelle est un rayon de la lumière divine. Dieu est pour toutes les vérités ce qu'est le soleil pour les choses naturelles. Il est plus encore, il est le soleil des intelligences, confère le Père Gratry. 7. La vérité reçue dans l'âme est-elle éternelle? La vérité créée n'est point éternelle, il n'y a de vérité éternelle que dans l'intelligence divine. Hors de Dieu, rien n'est éternel. Note. La vérité créée n'est point éternelle, puisque notre intelligence ne l'est pas. L'idée du cercle, par exemple, est cette proposition, 2 et 3 font 5, sont des vérités qui ont leur éternité dans l'entendement divin. Si aucune intelligence n'était éternelle, aucune vérité ne le serait. Fin de la note. 8. La vérité est-elle immuable? La vérité n'est point immuable parmi nous. Les vérités, dit le roi prophète, ont été amoindries parmi les hommes. Psaume 11, 1. La vérité de notre intelligence, c'est sa conformité avec les choses connues. Cette conformité change évidemment quand, la chose connue restant la même, notre intelligence adopte une autre opinion. Elle change pareillement quand, l'intelligence conservant la même opinion, la chose devient autre. Mais, pour l'intelligence divine, qui ne peut changer de sentiment et qui connaît le commencement, le milieu et la fin des choses, la vérité est immuable. Note. Les siècles perdent la sagesse ou la retrouvent. Comme un homme perd ou retrouve la vérité à diverses époques de sa vie, selon que son âme se dissout dans la volupté et retombe dans la nuit des sens, ou se retrempe dans la vertu et se relève vers l'intelligible, confère le Père Gratry. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.